Pensa tes mains touchées, nous on mit ton chair, en courant des glaces de moins. Les regards ou quoi c'est en moi, en sentiment paralysé, bébé. Les ou commencé souriant moi, mon malin ça t'est éternel. Depuis ou gravé en l'esprit moi, peux pas expliquer ce qui passait. Ou vin eskri an ma wè. L'amitié qui gagne nos unis.